Sainte Thérèse de Lisieux, par Maurice de Valef. Il y a des âmes rafraîchissantes, tout amour et toute pureté. Heureux qu'il les rencontre pour s'y baigner, comme dans un lac cristallin des montagnes, au terme d'une longue journée torride. Notre époque est fière d'avoir inventé l'hydrothérapie. Mais combien de gens songent à faire une cure d'âme? Et cependant, est-ce au corps seulement que nous ressentons la fatigue de vivre? Après un grand chagrin, une déception cuisante, ou simplement à force de lutter contre la brutalité ou la sottise, qui de nous n'est arrivé à douter de l'espèce humaine? Mais cette misanthropie n'est pas une solution. Puisque la vie est la vie, et puisqu'il faut la vivre, ce n'est pas en la regardant avec les lunettes noires de Schopenhauer que nous en éclaircirons le sombre paysage. Or, le 17 mai dernier, j'arrivais à Rome avec le congrès de la presse latine. C'était un dimanche soir. Nous eûmes la surprise du dôme de Saint-Pierre illuminé, tel une tiare de flammes mêlant ses guirlandes d'étoiles aux astres du ciel. Cet embrasement de Saint-Pierre, que les Romains n'avaient plus vu depuis la prise de Rome en 1870, n'était pas en notre honneur. L'Église illuminait pour la canonisation d'une carmélite française, sœur Thérèse de Lisieux. Les lignes de la basilique et de la colonnade du Bernin palpitaient de milliers de langues de feu. Dans cette sérénité des nuits romaines qui donne la sensation de l'éternité, 100 000 pèlerins, rompus de fatigue, étendus sur le parvis des 300 églises ou sur la margelle des 300 fontaines de la ville éternelle, dormaient à la belle étoile. Tous étaient venus pour Sainte Thérèse. Quelle est cette sainte étonnante dont, je l'avoue, j'entendais parler pour la première fois? Rentré à Paris, je voulais l'aller voir à Lisieux. 3 trains spéciaux par jour y déversaient d'autres torrents de pèlerins. Des Brésiliens et des Canadiens, des Hollandais, des Syriens et jusqu'à des Malgaches. L'humble monastère, si pauvre que la petite sainte y vivait il y a 30 ans, enrichissait maintenant toute la ville et on y accourait des 4 coins de l'univers. Tous les libraires brandaient sa biographie, recueil des lettres qu'elle écrivit à sa supérieure dans les dernières années de sa courte vie et que le Carmel fit éditer après sa mort. Je le lus en une nuit dans ma chambre d'auberge. Le lendemain, je visitai le couvent, la maison paternelle, le jardin, tout le décor de la petite ville où s'est écoulée cette vie silencieuse qui aujourd'hui fait tant de bruit. Et j'ai été conquis comme les autres. Pourquoi ne pas l'avouer? J'ai pleuré. Non pas de pitié mais de tendresse, à la pensée qu'une Française de mon temps a pu avoir une pareille qualité d'âme, si sensible et si forte, si suave et si héroïque à la fois, qu'elle redonne l'orgueil et l'amour des hommes à ceux qui, comme moi, croyaient l'avoir perdue. Thérèse Martin naquit à Alençon le 2 janvier 1873. Elle n'aurait donc qu'une 50aine d'années aujourd'hui, mais elle est morte dans sa fleur, à 24 ans, après être entrée au cloître à 15 ans, et la voici canonisée alors que des fondateurs d'ordre ou des géants de l'Église postulent leur canonisation pendant des siècles. Le miracle de cette carrière fulgurante est sa perpétuelle précocité, qui commence dès le berceau. Elle a pu écrire, et d'une plume humble, à qui, Dieu le sait, toute vantardise est étrangère, qu'elle s'est secrètement vouée à Dieu à l'âge de 3 ans. Elle était pourtant la fille de 2 bonnes gens, bien simples en apparence. Monsieur Martin, modeste bijoutier retiré des affaires, et Madame Martin, directrice d'une entreprise de dentelle d'Alençon, qui faisait vivre toute la famille composée de 5 filles. Mais le père et la mère avaient, tous deux, failli entrer au cloître. Monsieur Martin, chez les religieux du Mont-Saint-Bernard, au cours d'un voyage en Suisse, Madame Martin, chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Ils firent vœu d'élever leur postérité au service du Seigneur. Des 5 filles, 4 entreront plus tard au Carmel, 1 à la Visitation. On se tromperait du tout au tout en imaginant une vie de famille austère et triste. La confiance et l'allégresse régnaient dans la maisonnée, où la mère paraît avoir été l'intelligence dirigeante et lumineuse, le père se réservant d'être celui qui gâte et qui gorlote sa petite Benjamin, sa petite reine, comme il appelait Thérèse, de beaucoup la plus jeune, venue au monde quand Marie et Pauline, les 2 aînées, étaient déjà grandes jeunes filles. Thérèse était pétulante. À 3 ans, la mère l'appelait « mon lutin, mon petit furet ». Aussi remuante que sa compagne de jeu, Céline, de 4 ans plus âgée, était sage et calme. vivacité toute nerveuse annonçant une sensibilité précoce. Aussi, la mort de sa mère, décédée à 47 ans, quand Thérèse n'aimait elle-même que 4 ans, la bouleversa-t-elle totalement. La pétulance s'envola pour faire place à un recueillement silencieux, à une tendresse éperdue, toujours endolorie, prompte aux larmes, dévorée du besoin d'aimer. Monsieur Martin, resté veuf avec 5 filles, quitta Alençon, que le souvenir de la disparue enténébrait désormais, pour Lisieux, où le frère de sa femme était pharmacien sur la Grand Place, marié lui-même à une femme excellente, capable de remplacer auprès de ses nièces la maman perdue. En novembre 1877, toute la petite famille, en voile de crêpe, emménageait donc au Buissonnet, chalet enfoui dans la verdure d'un boulevard de Lisieux. « La maison me parut charmante », écrira plus tard Thérèse, quand elle rédigera au Carmel ses souvenirs d'enfance. Un belvédère, dont la vue s'étendait au loin, le jardin anglais devant la façade, derrière la maison, un autre grand jardin. Jardin anglais et grand jardin, aux yeux d'un bébé de 4 ans. Exactement, deux pelouses minuscules, ceinturées de quelques buissons. Mais dans ce petit univers, on s'adorait. Entre Céline, sa compagne de jeu, sa sœur Pauline, qu'elle avait adoptée pour sa maman, et un père, dont elle était la favorite, son cœur s'épanouissait de nouveau et souriait à la vie. Ce cadre enchanté, la petite sainte ne le quittera que pour les murs du Carmel. C'est là que sa vocation va grandir, sans heurts, sans coups de théâtre et sans autre drame que ceux d'une sensibilité frémissante qui la faisait fondre en larmes pour une parole un peu vive, un geste un peu rude. Pour ne pas confondre cette délicatesse avec celle des épicuriens, il s'y est d'ajouter qu'elle s'alliait à une singulière énergie, un immense besoin de se dévouer, le plus absolu courage devant les souffrances physiques et même un amour-propre immense dont la sainte s'accusera plus tard comme de son seul péché. Elle grandissait et devenait jolie. Toutes les bonnes gens de Lisieux qui ont aujourd'hui 50 ans et la revoient passer dans la rue au bras de son père parlent encore de ses magnifiques cheveux blonds sur lesquels on se retournait. Nature ardente, sa sœur Léonie vient offrir aux deux petites, Céline et Thérèse, la corbeille de sa poupée en leur disant « Choisissez ce que vous aimez ». Céline prend un ruban, mais Thérèse se saisit de la corbeille entière. « Je prends tout », déclare-t-elle impétueusement. Pourtant, elle ne sait pas jouer, du moins au jeu qui amuse les autres enfants. Son jeu à elle est d'organiser dans les jardins de la ville, avec sa cousine Jeanne Guérin, qui entrera aussi au Carmel, une solitude de fleurs et de cailloux où les deux cousines jouent au solitaire de la Thébaïde. Ces deux sœurs aînées prennent le voile au Carmel de Lisieux. Thérèse a 9 ans. Elle ne nourrit plus que le rêve d'en faire autant, consumée d'amour divin à un âge où les autres fillettes n'entrevoient même pas encore l'amour terrestre. Plus tard, dans ses lettres de religieuse, cette flamme atteindra les élans sublimes de Thérèse d'Avila. Les lettres de la sainte française vaudront les cantiques de la sainte espagnole avec moins de fougue terrible. Elle ne criera jamais « Muero porque no mucro »« Je meurs de ne pas mourir ». Ses rugissements d'amour ne sont pas dans sa manière. Mais, étouffant dans sa pneumonie, elle soupira doucement « L'air de la terre me manque. Quand est-ce que j'aurai l'air du ciel ?» À 14 ans, elle supplie son père de la laisser entrer au Carmel. L'évêque de Bayeux, consulté, s'y oppose. La règle est d'attendre 21 ans. Alors Thérèse conçoit une chose tout à fait hardie. Elle ira se jeter à Rome, au pied de Léon XIII, qui a le droit d'accorder toutes les dispenses. Et le père, qui juge aussi sans doute qu'un voyage est nécessaire à la petite exaltée pour l'éclairer sur ce vaste monde qu'elle veut quitter avant de l'avoir connu, y consent. Il emmène Céline et Thérèse en Suisse, à Venise, à Rome, où le Colisée la frappe d'admiration. Et enfin, le dimanche 20 novembre 1887, à l'audience du Saint-Père. Elle l'a raconté. Léon XIII était assis sur un fauteuil élevé, vêtu d'une soutane blanche. Monsieur l'abbé Reboroni, le directeur du pèlerinage, nous fit avertir qu'il était défendu de parler au Saint-Père. Mais l'enfant, tout intimidée qu'elle soit, brave la consigne. Un instant après, j'étais aux genoux du pape. Levant vers lui, mes yeux baignés de larmes, « Très Saint-Père, j'ai une grâce à vous demander. » Baissant la tête jusqu'à moi, son visage toucha presque le mien. Ses yeux noirs et profonds me pénétraient. très Saint-Père. En l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. » Et comme le pape l'engage à attendre la décision des supérieurs du Carmel, « Ô très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » Il fallut que deux gardes nobles la prissent par le bras pour l'enlever aux genoux du pape. Thérèse finit cette journée dans les larmes. Elle avait manqué son but. Puis elle se résigna, et la paix entra dans son âme, une paix basée sur la résignation aux volontés divines. Elle l'explique avec la grâce d'expression enfantine qui restera sa caractéristique. « Depuis quelque temps, je m'étais offerte à l'enfant Jésus pour être son petit jouet, une petite balle sans valeur, qu'il pouvait percer, jeter à terre ou dans un coin. Je voulais amuser le petit Jésus et me livrer à ses caprices. Eh bien, il avait exercé ma prière. À Rome, Jésus perça son petit jouet. » Ce voyage à Rome fut pourtant décisif. À cette petite provinciale, pour qui le salon de l'évêché de Bayeux représentait jusque-là le summum des pompes de ce monde, Paris, Venise, Rome, Naples étalèrent leurs merveilles sans la séduire. Nous sommes descendus dans des hôtels princiers. Jamais je n'avais été entouré de tant de luxe. Mais je me serais trouvé plus heureuse 1000 fois sous un toit de chaume, avec l'espérance du Carmel. Elle rentre à les yeux avec son appétit inassouvi. Tenace, elle écrit et réécrit à l'évêché. Enfin, le 1er janvier, pour mes étrennes. Monseigneur, vaincu ou convaincu, envoie l'autorisation tant sollicitée. Mais la supérieure fixe l'entrée après le carême. C'est à peine 3 mois de délai et l'effrayante ardeur de cet enfant de 15 ans s'en affecte comme d'une torture. Une telle flamme que cette petite fiancée du ciel, cette nonnette humble et résignée, qui réclame au couvent les besognes les plus rebutantes, va user et consumer sa santé et sa vie en 9 ans. L'existence du Carmel est une mortification continue, un véritable travail de désincarnation. Les ascètes bouddhistes, qui s'exercent à tuer en eux le désir, principe de douleur, s'imposent à peine plus de renoncement que la religieuse parfaite, à qui toute satisfaction personnelle, même la plus innocente, est interdite. Une idée sublime domine ces holocaustes du cloître, l'idée de la réversibilité des mérites. Thérèse offrait ses souffrances, matérielles ou sentimentales, pour les missionnaires, qu'elle se représentait marchant dans le désert, pour les malades des hôpitaux, pour tous les malheureux. Se sachant encline à l'amour-propre, elle recherchait les reproches, même immérités, et s'exerçait à les supporter, non seulement en silence, mais avec joie. Dévorée d'un désir d'héroïsme, elle s'appliquait à n'être que la plus douce des créatures et à pratiquer la simplicité du petit enfant dans la main de Dieu. Elle s'interdit les macérations extraordinaires, mais frileuse et déjà poitrinaire, elle subit le supplice muet des hivers sans feu. Après avoir été transie 2 fois, tout le jour, écrit les sœurs qui l'ont vu mourir, la servante de Dieu allait le soir se réchauffer quelques instants à la salle de la communauté. Mais pour gagner sa cellule, le long escalier et le corridor glacial lui ôtaient ce peu de chaleur. Elle passait la nuit entière à trembler de froid sans pouvoir dormir. « J'ai souffert du froid jusqu'à en mourir », savoura-t-elle un jour. Mais, quand elle l'avouera, elle mourrait en effet de la longue et douloureuse agonie des poitrinaires. « Êtes-vous résigné à mourir ?» lui demanda l'aumônier. « Ah, mon père, il n'y a besoin de résignation que pour vivre. Pour mourir, c'est de la joie que j'éprouve. » Quelques heures après, comme la douleur la convulsait sur son lit, elle murmurait. « Je n'aurais jamais cru qu'il fût possible de tant souffrir. Je ne puis m'expliquer cela que par mon désir extrême de sauver d'autres âmes. » Sa dernière parole, avec son dernier regard, alla au crucifix qu'on lui avait déposé entre les mains. « Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime !» L'impression laissée par cette vie si courte et cette mort si longue sur les carmélites rassemblés autour de son lit fut telle qu'une atmosphère de miracle se répandit aussitôt. L'une sentit un parfum de violette. Une autre fut guérie de violentes douleurs de tête, rien qu'en posant son front sur les pieds de la martyre. Et dès le lendemain, toute la ville, à travers la grille du chœur où elle était exposée, apportait des chapelets, des médailles, des bijoux, pour les sanctifier au contact du corps. Le livre de sa vie, à peine édité, se répandit comme une traînée de poudre et fut traduit dans toutes les langues. Et les miracles des guérisons subites, bientôt, ne se comptèrent plus. Pour une béatification en cours de Rome, il faut 2 miracles certifiés par témoins oculaires. la congrégation des rites n'eut que l'embarras du choix. Les deux qui furent retenus comme les plus indiscutables advinrent, le premier, en 1906, un séminariste de Bayeux, âgé de 23 ans, condamné par tous les médecins comme atteint de tuberculose pulmonaire. Le second, en 1916, à une religieuse des Basses-Pyrénées, atteinte d'un ulcère à l'estomac et déjà administrée des derniers sacrements. Dans les deux cas, une neuvaine à la Vénérable cicatrisa surnaturellement les deux inguérissables plaies. Le 19 mars 1922, Pie XI promulgua le décret d'approbation et le 29 avril, la Bienheureuse était placée sur les autels. Mais c'est par centaines et par milliers qu'arrivent aujourd'hui à l'église du Carmel de Lisieux les lettres et les ex-voto relatant d'autres guérisons, d'autres visions, d'autres apparitions. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses, avait-elle prédit et répété souvent avec conviction. Et même les incroyants sont obligés d'avouer qu'elle n'avait pas menti. Car qui donc pourrait nier que depuis 25 ans, et surtout depuis la guerre, elle a consolé des millions de désespérés, rien que par la confiance et l'espoir que leur aura apporté son livre délicieux, miroir d'une âme, comme il n'en avait plus paru sur la terre depuis celle de François d'Assise. Car c'est à la douce tradition franciscaine, bien plutôt qu'à la sévère lignée des filles du Carmel, que se rattache la nouvelle sainte de Lisieux. La passion espagnole de la fameuse réformatrice d'Avila reste tout à fait étrangère à la nature discrète et tendre de cette petite Française, de cette petite Normande, héroïque certes, aimant son Dieu avec un courage infini, mais elle n'a cessé d'insister là-dessus avec la simplicité d'un petit enfant. Qui écoutera ses enseignements, qui suivra sa petite voix, trouvera la paix et le contentement du cœur, ce rare trésor que les voluptueux ou les conquérants de ce monde poursuivent en vain jusqu'à leur dernier souffle. Ce n'est pas une histoire à dévorer en sleeping car, entre deux romans ou entre deux préoccupations de l'affaire haletante. Mais si vous l'emportez dans la solitude, dès les premières pages, vous sentirez le bouillonnement de vos artères se calmer, une grande suavité entrer en vous, comme si votre âme d'enfant ressuscitait. Voilà le don de la petite sainte, elle a le don d'enfance. Il suffit d'avoir un peu vécu pour savoir que c'est là un miracle, et le plus rare de tous. Il est venu à Lisieux l'an dernier 80 000 pèlerins qui, il faut bien le croire, ont senti cette grâce ineffable. Il en viendra 200 000 cette année. Une roseraie mystique, plus importante et plus suave que toutes les roseraies de Bagatelle et de nos horticulteurs parisiens, est éclose dans cette petite ville, hier ignorée, où les aubergistes construisent maintenant des hôtels pour millionnaires. Mais ceux qui savent entendre ce que cet enfant est venu murmurer aux hommes emportent la seule richesse véritable. C'était Sainte Thérèse de Lisieux par Maurice de Baleffe.